était genre moins joint, j'avais comme pleuré. Moins fort des yeux jolis bouquins, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. Mais souvent, soleil levé tous les jours. Un lever matin, yon, moins juin, j'avais comme pleuré. Moins fort des jours, jolis bouquins, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. Jocelyne, j'en ai comme pleuré Jodia, parce que y'a bouli, fait la pluie tomber de temps en temps, et c'est ce qui te dit, le soleil levé long comme moi, m'avait prié bon Dieu, pour le protéger à mon nom. C'est vous, Paris Jocelyne, j'en ai comme pleuré Jodia, parce que y'a bouli, fait la pluie tomber de temps en temps. Le soleil levé là comme moi, m'avait prié bon Dieu pour le protéger à mon oh. Again, again, down on the road. La gueule petite madame là. La gueule. Foutou la gueule oui. La gueule. Bonne inconscient. Mais mon petit coca, bonne malhonnête. Foutou la gueule. Eh bien fais-moi pas la gueule. Fais-moi pas la gueule. Fais-moi pas la gueule. Et vous fais-moi pas la gueule. Eh mais que bello, ma voisin. La gueule. La gueule fout petit monde. La gueule. La gueule. Pas même mon petit coca. William, essayez ou résoudre la gueule. La gueule. La gueule. La gueule. La gueule.